la musique instrumentale est donc une musique riche, du moins jusqu'à une certaine époque. Alors, cette époque qui commence à voir où le peuple commence à voir l'instrument de musique apparaître chez lui, c'est la Renaissance. Alors pourquoi ? C'est parce que jusqu'à l'époque de la Renaissance, il semblerait que les pratiques de danse soient les mêmes dans les deux mondes, dans le monde paysan comme dans le monde lettré. Les pratiques de danse sont les mêmes, même si les paysans sont toujours au chant. À partir de la fin de la Renaissance, va se développer un nouveau courant musical dans les classes les plus élevées de la société, donc un courant musical qui s'appelle l'académisme, qui fait que l'instrumentarium savant antérieur va être progressivement abandonné pour aller vers un nouvel instrumentarium qui est en train de se former. Prenons un exemple, les instruments du type hautbois. Un hautbois, c'est un instrument de perce conique dans lequel on met une anche double, donc une anche faite avec deux lamelles de roseau, pour produire de la musique. Cet instrument a existé dans le monde savant jusqu'à la Renaissance, sous le nom de bombarde. Et la bombarde n'était pas un instrument, c'était une famille d'instruments où il y avait le soprano, il y avait l'alto, il y avait le ténor, il y avait la basse. À partir de la fin de la Renaissance, et disons du début du XVIIe siècle, a commencé à se développer un modèle d'instrument. Alors ça, c'est la France et l'Allemagne qui ont été les deux grands pays où s'est passée cette révolution. Donc a commencé à se développer un type d'instrument qu'on va appeler le hautbois. Alors c'est un instrument en bois, comme la bombarde précédente, mais qui se joue haut, ça veut dire qui se joue en plein air, qui a une puissance. Et les luthiers vont s'appliquer à parfaire sa lutherie et à la généraliser dans toute l'Europe lettrée. Cet instrument va donc connaître une belle vie, puisqu'on en joue toujours dans les orchestres, il va se modifier progressivement au fil du temps, mais l'ancienne famille d'instruments, la bombarde, va être délaissée. Et c'est là justement que les classes populaires, que les classes paysannes en particulier de toute l'Europe, vont s'approprier les instruments anciennement à la mode dans le monde dominant, si on veut. Okay, c'est très schématique ce que je vous dis là, mais ça traduit à peu près le pourquoi de l'introduction de l'instrument de musique dans les milieux paysans. Avant, il y avait des instruments de musique chez les paysans, mais qui étaient des instruments de musique verte. Ça pouvait être par exemple des instruments faits avec des pailles, fait des instruments faits avec des noyaux, avec toutes sortes de jouets comme ça, des instruments en général fragiles et destructibles, si on veut. Le bel instrument en bois n'arrivera que quand il sera abandonné par la haute société. Okay, c'est très schématique, mais ça décrit à peu près ce mouvement historique. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous encourage à prendre votre voiture, à faire une centaine de kilomètres et d'aller au château de Kerjan, à côté de l'Andivisio, là, à Saint-Vouguet, où justement, on parlait tout à l'heure de ce livre Musique bretonne, avec mon camarade Michel Colleux, là, donc on a travaillé sur les instrumentistes et leurs instruments, et on a réussi, disons, à Saint-Vouguet, au château de Kerjan, à refaire ce bouquin avec, il n'y a plus de photos, mais il y a les vrais instruments qui sont dans les vitrines. Et c'est le même plan, on va dire, c'est le même contenu, donc c'est l'histoire de l'instrument de musique dans le monde breton, quoi, mais avec les vrais instruments que l'on peut avoir sous la main. On y expose d'ailleurs la plus ancienne Bretagne qu'on ait en Bretagne, la plus ancienne bombarde qu'on ait en Bretagne. Cette bombarde a été répertoriée dès 1720, elle était dans un catalogue de collection en 1720, mais on ne sait pas si c'est une bombarde. C'est un instrument en ivoire. Donc c'est probablement pas un instrument paysan, un instrument en ivoire d'une facture très élaborée, c'est-à-dire c'est un travail de tournage extrêmement délicat. Déjà tourner de l'ivoire, faut y aller parce que c'est un matériau qui peut pas être confié à n'importe quel menuisier de village, quoi. L'ivoire, c'est quelque chose de très délicat à tourner. Et c'est une bombarde, ça a la forme d'une bombarde, mais est-ce que c'était une bombarde au XVIIIe siècle ? Est-ce que c'était probablement justement, enfin, au XVIIIe siècle, c'est la première trace qu'on en ait. Il était sans doute antérieur, il y a peut-être 100 ans de plus cet instrument. C'est sans doute un de ces instruments survivants de l'ancien instrumentarium classique et récupéré par les musiciens paysans. Les deux plus anciennes bombardes qu'on a sont exactement dans ce cas-là, quoi. Ça ressemble pas vraiment à des bombardes de maintenant, mais ça ressemble plus à des instruments de la Renaissance, quoi. Mais on les appelle bombardes néanmoins. Donc voilà, ça c'est. Allez voir ça au château de Kerjan. Donc à partir de ce XVIIe, XVIIIe siècle, un instrumentarium populaire va commencer à se développer. Alors non seulement cet instrumentarium va se développer, mais dans les milieux paysans, on va également chercher, en fait, puisqu'on s'approprie l'instrument de la noblesse, on va essayer de s'approprier également la danse de la noblesse. Donc on va dire que à partir du XVIIIe siècle, va se développer en fait une nouvelle culture populaire en Basse-Bretagne, une culture populaire qui va énormément emprunter à Paris, même si on emprunte à Paris en passant par la noblesse locale. Je pense à une chanson, je ne sais pas si c'est populaire en pays bigouna. Bepo, bepo, ketor, bigouden. Bon, bah, la première mention que j'ai trouvée de cette chanson, c'est un recueil de danse parisienne de 1783. C'est une danse, une contredanse, éditée en 1783. Alors, comment est-ce qu'elle est arrivée en milieu paysan, en pays bigoudin ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est passé par les mondes nobles pour arriver au pays bigoudin. Un autre air qui est bien connu en pays bigoudin, qui était bien connu en tous les cas par les sonneurs autrefois, puisque beaucoup de sonneurs utilisaient cet air-là pour le bal, c'est qu'on connaît sous le titre de Bon voyage, monsieur Dumollet. Alors, c'est quelle édition ? 1809, ouais. En 1809, on trouve cette chanson dans un recueil de mélodies parisiennes, hein, sous le titre Bon voyage, cher Dumollet. Donc là, vous voyez, on est dans 1809, c'est il y a quand même déjà pas mal de temps, c'est il y a 200 ans. On a ici la preuve qu'on emprunte au répertoire parisien des choses, enfin des thèmes musicaux et des figures de danse qui vont être redéveloppés après dans le monde breton. Ok ? Vous me suivez ? Alors, pour la danse, c'est flagrant, quoi. Alors, on a parlé tout à l'heure des danses en ronde qui sont caractéristiques de l'ancien monde, de l'ancienne société rurale. On a vu, en parlant de Flaubert tout à l'heure, qu'en 1843, cette danse ronde en pays bigoudin était devenue une grande chaîne, puis qu'au fur et à mesure de l'évolution de la société, non seulement de l'évolution de la société, mais également au fur et à mesure des envies qu'ont les paysans de s'émanciper de leurs conditions pour aller vers le monde dominant, eh bien on voit que cette danse se modifie également. Prenons l'exemple du jabadao. Le jabadao, pour tous les folkloristes de la fin du 19e, du début du 20e, c'était la danse bretonne par excellence. Lorsque, en 1934, je crois, Erwan S. Galbrun édite un livre sur la danse bretonne, elle parle du jabadao comme étant la danse bretonne, que c'est la danse du sabbat. Alors, il y a eu plein de légendes autour de ça. C'était la danse que dansaient les juifs autour du Golgotha quand le Christ a été crucifié. Enfin, on a lu ça. On a lu d'autres choses encore quoi, sur ce fameux jabadao. Or, si le mot jabadao est très certainement un mot ancien, alors là, je ne suis pas suffisamment linguiste pour l'affirmer, mais je crois que le mot jabadao apparaît dans le dictionnaire de Grégoire de Rostronin en 1732 traduit par un capharnaüm. Un jabadao, c'est un capharnaüm. Or, qu'est-ce qu'un jabadao ? C'est donc une danse où on danse par groupe de 8, où on fait des figures, on va vers le centre, on va vers l'extérieur, enfin, il y a plein de figures qui se produisent. Qu'est-ce que c'est ? C'est une copie paysanne d'une danse parisienne, d'une contredanse parisienne. Je ne sais plus quelle figure c'est. Non, c'est pas le quadrille. Enfin, c'est une copie d'une figure de la contredanse parisienne dans laquelle on garde le pas ancien, c'est-à-dire le pas de la gavotte, mais où le corps fait les évolutions que l'on voit faire au monde bourgeois de l'époque. Vous comprenez ? Alors, il y a d'autres exemples. Je vais prendre l'exemple d'une danse du pays gallo qui s'appelle la kérouézée. Je ne sais pas si vous avez entendu ce nom-là. Alors, la kérouézée, les pieds, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font... Pam, pam, pam, pam. Blanche. Bon, les pieds font ce pas-là, qui est le pas de ce qu'on appelle la ronde de l'Oudéac, c'est-à-dire la ronde de l'Oudéac. Bon, c'est une danse bien plus importante qu'une danse du pays de l'Oudéac. C'est une danse qui couvre, disons, pratiquement le tiers est, qui couvrait en 1900 le tiers est des Côtes d'Armor. Hein. Donc une ronde ancienne de l'ancienne société. Lorsque le chemin de fer est arrivé dans la région de Jugon-les-Lacs, aux environs 1860, il a amené avec lui quantité de nouveautés, dont la danse. Et là, on est en plein dans le quadrille. C'est-à-dire que la kérouézée est une adaptation du quadrille parisien à la danse locale. C'est-à-dire les pas continuent de faire le vieux pas du rond, pas la dame tam, mais le corps, lui, prend la forme des danses que l'on envie aux Parisiens, si vous voulez. Vous me suivez ? Hein, c'est assez clair ? Là, je fais du rapide, hein. Je fais du résumé. Donc, une caractéristique de tout le monde musical et chorégraphique breton au 19e siècle, au 20e siècle, c'est de s'approprier les valeurs des personnes qu'on envie, les valeurs des personnes qu'on admire. Et on va voir que pour l'instrument, ça va se retrouver jusque dans ce revival. Alors déjà, enfin, si jamais on veut, je dépasse un petit peu, parce que je voudrais bien avoir un petit moment de discussion à la fin, mais c'est ce comportement que je viens d'expliquer, pour moi, dans le revival actuel, c'est aussi une chose qu'on observe. C'est-à-dire, le monde qu'on en vit actuellement, c'est quoi ? Que les jeunes en vivent, c'est le monde américain, c'est le rêve américain. Et les musiques bretonnes qu'on entend actuellement sont teintées, justement, de ce rêve américain. Oula ! C'est-à-dire que le folk song des années 70, il a été réexploité par les musiciens bretons des années 70. De la même manière qu'au 19e siècle, Bon Voyage, Monsieur Dumoulin était certainement un acte d'émancipation extraordinaire par rapport au bagage musical qu'avaient les gens. Vous me suivez ? On a toujours envie d'aller de l'avant. Je crois que c'est une marque qui définit bien les instrumentistes populaires en général. Guilcher a eu une phrase, non pas Jean-Michel Guilcher, Yvon Guilcher, donc le fils de Jean-Michel Guilcher, a eu une phrase affreuse là-dessus, mais pas bête, je trouve. Pour Yvon Guilcher, l'instrumentiste est le fossoyeur de la tradition. C'est pas sympa pour les instrumentistes, j'en suis un d'ailleurs. Mais bon, c'est ainsi.